l'humanité aura prêté assez aussi grande d'un. C'est ça que l'homme a prêté l'intelligence. L'homme a été gardé dans l'ignorance jusqu'au bout. Jusqu'au moment où il a développé l'intellect. Sans ça, l'homme n'aura jamais développé l'intellect s'il n'aura pas développé l'intellect, s'il avait été contacté avant. On n'aurait jamais développé l'intellect. N'ayant pas développé l'intellect, on n'aurait pas pu être des êtres extrêmement spécialisés au niveau de l'intelligence du cosmique. Comme on le saura demain. Parce qu'on n'aurait pas eu de discernement. C'est à cause du fait que l'homme a développé, a passé par un stage inférieur du développement de l'intelligence, du mental inférieur, que demain l'homme aura le discernement qui est la plus grande des richesses. Je parlais de Miguel, il n'y a pas pris Miguel. Je suis en contact avec des extraterrestres en France. J'en ai dit des choses quand j'ai vu, il s'était aperçu que j'en savais pas mal de son expérience. Puis bien plus que lui, il pouvait en savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le connaître. Il n'y avait plus de cette affaire-là. C'était le même. Quand un petit gars, un petit Français grand, en contact avec des extraterrestres, c'est pas en ballon. Il est parti en ballon. On ne peut plus se permettre d'être niaiseux. C'est pour ça qu'éventuellement, il faut qu'on sorte de l'expérience. C'est les mots du bout à l'expérience. Malheureusement, c'est pas fini. Heureusement, c'est fini pour un certain nombre, ça fait. On doit comprendre parfaitement les lois du mal. Pour comprendre parfaitement les lois de la création. De toute façon, on ne connaîtra jamais les lois de création. Ni sur le plan cosmique, ni sur le plan universel, ni sur le plan personnel. Il faut qu'on s'occupe d'abord du plan personnel. On a une facilité extraordinaire sur le plan matériel de vivre des vies réellement d'aplomb. Mais on est aussi loin de vivre ces vies-là que l'autre gars, si on comprend. Quand tu commences à vivre avec une intelligence qui est absolue, qui fait partie de ton intelligence intérieure, soit tu acceptes l'absolu de ton intelligence intérieure pour pouvoir fonctionner d'une façon totalement en dehors de l'expérience, ou tu es obligé de vivre une existence diminuée, où tu te sens jamais bien dans ta peau. C'est ça. Tu comprends en dehors de l'expérience. Et en comprenant par moi, tu as une gratitude et une passion de l'homme. C'est ça. Le conditionnement. Effectivement. C'est ça. Tu t'identifies tout le temps. Tu t'identifies tout le temps. Tout le temps, tu vois le jeu. Faut que tu le voyes, le jeu. Tu ne vois pas le jeu, tu es dans l'expérience. Maudit différent. Maudit différent. Ouais, c'est pas facile. Faut que les gens le vivent. Moi, j'en parle. Vous autres, tout à l'heure. Faut que vous viviez, vous autres. Ça ne se comprend pas par l'intellect, ça va.

qui está sans de, parce que ça, c'est pas une depuis que vous m'avez rencontré, ça c'est quand on est jeune. Il y en a-tu qui savent depuis qu'ils sont jeunes, qui ont eu des petits flashs, que soit que la mort, c'est pas raisonnable, parce que souvent ça se manifeste mais les gens, c'est pas normal, on ne devrait pas mourir, c'est stupide de mourir. Il y en a-tu qui ont vécu ça? Tu l'avais connu ça? C'est ridicule. C'est parce que ça se manifeste dans notre intelligence quand on est jeune, c'est pas que. Quand on est. C'est un non-sens. Oui, ça va partir de l'univers. Mais la limite entre ce savoir-là et l'activation de l'énergie en nous autres, elle est très étroite. Très étroite. C'est pour ça que le rapport qui existe entre nous autres, c'est simplement un rapport vibratoire, c'est même plus un rapport psychologique. C'est purement vibratoire. Parce que c'est seulement par vibration que je peux vous amener, vous autres, avec le temps, à sentir vos vibrations. Une fois que vous sentez vos vibrations, c'est plus psychologique. Je regarde ceux qui sont allés en conférence hier, là, quand les gens viennent me demandent, peux-tu nous parler du Tibet, de l'Atlantide, la vibration tombe demain? Il n'a rien à savoir du passé. Mais on a tout à savoir de nous autres. Tout à savoir. Mais les voiles qui sont devant l'ego sont très subtiles. C'est pour ça que ça prend tant de temps à les décrocher, à les décrocher, à les décrocher, à les décrocher. Aussitôt que tu en décroches un, il y a un changement de vibratoire. Tu en décroches un autre, il y a un changement de vibratoire. En décrochant un autre, déjà, je vais le voir. On doit en arriver éventuellement à ne plus vivre au niveau expérientiel. Là, je vous le dis, ça, pour des raisons vibratoires. Mais je ne le comprends pas psychologiquement. Mais vibratoirement, je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? La psychologie, ça fait partie de l'expérience. Effectivement. Non, parce que je jouerais le jeu d'ego. Je ne peux pas jouer le jeu d'ego. Les gens sortent puis s'en vont. Qu'est-ce que je dis? Comment il y a que j'en accrocherais 10 dans la salle? 5 sur 8. Très beau sideburn. Faut qu'on s'habitue à savoir qu'on a toujours raison. Et ça, c'est bien délicat. Faut qu'on s'habitue à savoir qu'on a toujours raison.

Elle attachait au niveau spirituel, psychologique. Le discernement, c'est une autre paire de manches. Ça n'appartient pas à l'homme, le discernement. La sagesse appartient à l'homme, mais pas le discernement. Le discernement, c'est le rapport vibratoire entre l'ego et la lumière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si l'ego est sensible, suffisamment sensible à la lumière, il ne fera pas ça. Il ne dira pas ça. Il fera ça. Ou il dira ça. C'est plus lui qui run. C'est plutôt lui qui run quand tu as discernement. C'est toujours. C'est toujours le résultat de leur intervention à travers ta personne. C'est pour ça que dans l'avenir, au cours de la science sera une grande science. Pourquoi? Parce qu'il y aura du discernement. Ce sera eux autres qui donneront à l'homme la vibration pour que l'homme crée telle chose. Il n'y a plus d'ego. Le discernement n'appartient pas à l'homme. Comme l'intelligence n'appartient pas à l'homme. C'est pour ça que l'ego doit être translucide pour que ça passe, cette affaire. Tu sais, j'ai dit dans une conférence un soir, dans un séminaire, ou je ne sais pas quelque part, j'ai dit, la vie, c'est pas de nos affaires. Je sais, moi, ce que je veux dire. La vie, c'est pas de nos crises d'affaires. C'est une illusion de l'ego. C'est une illusion de l'ego que la vie, c'est de nos affaires. La vie, on doit la vivre pour la comprendre. C'est subtil, hein? Tu vois comment c'est subtil? On doit la vivre pour la comprendre. Parce que quand tu comprends quelque chose, tu n'as pas besoin de la vivre. Pas vrai, d'avoir c'est sur un autre plan. Mais il faut que tu arrives pour la comprendre. Mais il faut que tu vives la vie, pas l'existence. C'est ça que la vie, c'est pas de nos affaires. Ils m'ont dit ça une fois, mais c'est pas de tes affaires, ta vie. Je sais ce que tu veux dire. Il dit mille dans les affaires. Mais quand ta vie, vibratoirement, d'accord. C'est automatique, t'as pas le choix. Y a-t-il de comprendre ça? C'est en dehors de l'ego. Tu ne te sens plus impliqué au niveau de l'ego. Juste. Il dit on a été mal éduqué pendant des siècles. Mal éduqué pendant des siècles. Puis d'ailleurs, dans ce temps-là, les écoles initiatiques, c'était fermé. Ça fait que c'est pas à masse qu'il y avait accès. Aujourd'hui, on a la télévision. Aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle. Tout le monde le sait tout de suite. Avant, les gars étaient obligés de voyager, prendre les bateaux pour aller voir au Pérou ce qui se passe à cette affaire-là. D'ailleurs, ça fait toute partie des raisons là, pourquoi aujourd'hui c'est possible, puis dans ce temps-là, c'était pas possible. Il faut qu'il y ait des initiés là-bas, puis une initiée là, puis une initiée là, puis une initiée là, ça marche pas de mal. Puis quand il dit que la vie, c'était pas nos affaires, il dit quelque chose d'extrêmement précis. C'est à ce moment-là que quand on commence à réaliser que la vie, ce n'est pas de nos affaires, qu'on commence à réaliser qu'est-ce que c'est la vie. Là, avoir à peine d'être vécu en maudit.

puis on souffre pour rien, puis on démolit pour rien. Moi, je t'apprends à planter des clous chez nous, là, ça a la mal, là, je t'apprends à péter les doigts quasiment, je dis, oh, c'était assez un cul de marteau, je suis descendu en bas, je t'avais fumé une cigarette, c'est ça, fumé une cigarette. J'ai arrêté. C'est bon, fait des grilles, faire ça. C'est tu tâches pour tourner au marteau, là, ça marche bien. Quand ça marche pas bien, le marteau, je le laisse tomber. Là, regarde, là, ça, ils veulent faire le marteau, puis ils veulent le finir, la job, ils se pètent les doigts. Faut qu'on sache quand arrêter. Ça, ça, on vit dans l'expérience, au lieu de vivre dans la vie. Il faut que l'ego soit bien ajusté virtuellement pour savoir quand il faut qu'il arrête la job. Parce que d'autres ont toujours tendance à défendre leur volonté sur notre ego. Pour élever les vibrations de l'ego, pour changer l'ego en esprit. Donc, automatiquement, quelque expérience que vous avez pour vous autres, elle apparaît comme importante. Mais dans le fond, elle ne l'est pas. Mais vous y donnez l'importance, puis c'est là que vous avez des chocs après. C'est là que vous pétez un doigt avec le marteau. Si les gens savaient quand arrêter, ça n'arrivera pas, ça. Mais les gens vont toujours au bout, parce que l'astralie, c'est le corps de désir. Tu veux finir la job avant 2 heures, ou tu veux finir la job avant 5 minutes. C'est là qu'on fait nos erreurs. Il dit, faut qu'on sache arrêter, faut qu'on la sente la vibration quand c'est assez. Quand ça commence à aller mal, c'est un signe. Faut que l'ego apprenne à vivre. Il y a 3 façons que l'ego peut vivre. L'ego peut vivre en communication permanente avec eux autres. Ou l'ego peut vivre au niveau de sa sensibilité. Son intuition. Où l'ego peut vivre au niveau vibratoire. Ça, c'est les 3 façons conscientes ou semi-conscientes. Puis il y a l'autre façon où l'ego vit totalement dans un cataclasme, au niveau de sa pensée personnelle. Puis les 3 façons, les 3 autres façons sont bonnes. Puis ils changent. Vous ne pouvez pas le demander, vous ne pouvez pas communiquer avec eux autres si vous ne veulent pas communiquer. Ça dépend de votre plan de vie, ça dépend de votre énergie, ça dépend.